Alger, tu te doules. Là-bas, tu veux qu'on vient faire la mala, ouais. On va où? Là-bas, fais gaffe à ta nana, ouais. On va où? Là-bas, j'fume la frappe de Meda, ouais. On va où? Là-bas, on est des gros Hama, yeah. La la la la la. Pourtant dans le club j'étais capuché. Les petits du quartier galèrent, je leur laisse les clés de la féfé. Encore un bord dans la merde, ouais, ouais. PCS en galère, ouais, ouais. J'fais que ça toute la soirée, les mains dans les affaires, ouais, ouais. On va où? Là-bas, on vient faire la mala, ouais. On va où? Là-bas, fais gaffe à ta nana, ouais. On va où? Là-bas, j'fume la frappe de Meda, ouais. On va où? Là-bas, on est des gros Hama, yeah. Dans le Bengt, gros popo dans la band, proto, en plaçant dans la Gant. Et j'fume la moulaga, et j'ai toujours la dalle, j'donne mon amour à ma nana, et j'ferai tout pour ma mama. La route sous 50 des Bernex, habillé en DP, je sens le terre d'Hermès. Fais gaffe, la rue c'est chaud, des fois le terre blesse. Et quand l'inspecteur passe, ben je reste perplexe. La la la la la, avec l'Alger ce soir on fait la mala. La la la la la, tu nous cherches ce soir on est pas là. Là-bas, on vient faire la mala, ouais. On va où? Là-bas, fais gaffe à ta nana, ouais. On va où? Là-bas, j'fume la frappe de Meda, ouais. On va où? Là-bas, on est des gros Hama, yeah. La la la la la, j'suis dans un tel, j'me mets rap. La la la la la, que tu te niques de la la la la la la la. Et la choupette aime la mala. La la la la la, que tu te niques de la la la la la, et la joue.